Sont tous des enculés. Avec leur vignou, ils nous font chier. Vous les cousins Bernard Ménez, retournez tous à Douarnenez. Les Bretons sont tous des enculés. Ugh.